Attends, si l'esprit te touche, si tu veux danser, j'aimerais te voir danser. Alors on va louer les seigneurs avec canon vocal. Pendant qu'ils s'approchent, est-ce qu'on peut les encourager par vos acclamations pendant qu'ils viennent? On va louer ensemble avec canon vocal. Soyons dans la joie, puisque nous sommes dans la maison du Seigneur, on doit être dans la joie. Amen, amen. Mwimbo yetu natafuta kuimba hapa inasemezea tuma nuru. Ce qui veut dire Mungu tuma mwangaza yako. Amen, amen. Wakati Mungu anatuma mwangaza manifeste ko joie munene sana na mikono sana tupige ko. Ooh. yo yo. Yeah yeah yeah. Yo yo yo. C'est le temps de la louange. C'est le temps de Dieu. Alors nous allons nous tenir tous debout. Nous allons louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout, toute l'assemblée? On aimerait lui rendre un culte d'action de grâce. C'est dimanche aujourd'hui. On va le louer. On va danser. J'aimerais qu'on danse ce matin. J'aimerais qu'on lui donne une offrande par nos danses, par cette louange. Alors ensemble avec la chorale, est-ce qu'on peut véritablement louer le Seigneur dans la joie? Jésus. Tes agroupika qui kele kele, qui kele kele. Anaweza, anaweza, anaweza, Jehova. Anaweza, anaweza, anaweza, Jehova. Anaweza. kembo kembo kembo kuna na lolaya kembo kembo kembo kuna na lolaya oh kembo haleluya kembo haleluya haleluya kembo haleluya oh kembo haleluya kembo Mulala, mulala, mulala, bona Yesu, kembo, kembo, kembo, unana lolaya, kembo, kembo, kembo, unana lolaya. Oh, kembo, alleluia, alleluia, oh, kembo, alleluia, alleluia, que se, kuna na zuye, que se, Kuna la zuye, oh kese, alleluia, alleluia, oh kese, alleluia, alleluia, beta mwa mulolo, tu peux bouger, bouger, bouger, aïe. Alléluia, alléluia, oh Dieu, alléluia, alléluia, oh oh oh oh, na kokende, oh na kutana, oh lokola na niye. Oh, don't put on a Azalina bombo ile lolo dilibela eh Oh azalina bombo ile lolo dilibela eh Yesu azalina bombo ile lolo dilibela eh Azalina bombo ile lolo dilibela eh Yesu azalina bombo ile lolo bilibela eh Azalina bombo ile lolo bilibela Oh sane moyo waniwe osana moye Osane moyo waniwe osana moyo Osana waniwe osana moye yo Osana moyo, oh

ndenge tokoma Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel? Alors, moi je suis dans la joie. En tout cas, je suis dans la joie. Atarama ucheze, mes voisins acheza. Atarama ufanye ngebungebu, bon, on a fait ata ngebungebu présidentiel. Yamou silencieux. Amen. Amen. Alors, dans la même atmosphère. Je ne sais pas pourquoi moi je suis dans la joie, je ne comprends pas. Mais j'aimerais partager cette joie avec toi. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. On a dit aujourd'hui c'est un dimanche, c'est le culte d'action de grâce. J'aimerais qu'on fasse une action de grâce. J'aimerais qu'on se tienne debout. Une minute. Je ne sais pas une particularité de la main de Dieu dans ta vie que tu te rappelles. Mais moi, je commence par ce matin, je suis vivant. C'est la plus grande des choses. C'est le plus grand des miracles. Simplement pour ça, j'aimerais que je lui rende grâce. Grâce par des mots, mais aussi par des actions. J'aimerais qu'on fasse une action. De là que nous sommes, j'aimerais que l'on fasse un bruit dans le ciel. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qu'on sente par tes acclamations. Par tes cris, par tes paroles, pendant que tu acclames, pendant que tu fais de bruit, tu l'adores. Pendant que tu cries, tu lui dis merci pour le souffle de vie, merci pour le travail que tu as, merci pour les beaux enfants que tu as, merci pour la guérison que tu as reçue. Alors ensemble avec moi, nous allons faire un maximum de bruit pour celui qui vit au siècle de siècles, pour celui qui mérite louange, gloire, adoration, celui qui vit dans les cieux, celui qui est vivant, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui fait des miracles dans nos vies, celui qui est Dieu, celui qui mérite que nos genoux soient fléchis. Celui qui mérite que nos faces soient courées. Celui qui mérite que nos morts soient stouillés. Celui qui vit, celui qui nous appelle. Celui qui garde le souffle de vie. Celui qui nous gère. Celui qui nous vit. Celui qui nous bénit. Celui qui nous bénit. Celui qui bénit nos vies. Nous allons l'adorer ce matin. Nous t'adorons Jésus. Nous te célébrons Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Alléluia. Toi qui vis au siècle des siècles. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Toi qui vis Jésus. Je t'adore ce matin. Je t'adore ce matin. Il ne comparable pas, Seigneur. Il ne comparable pas, Seigneur. Qui pourrait se comparer? À qui pourrait se comparer, Seigneur? Toi qui es vivant. Qui nous aime, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus, tu fais des miracles. Il est comparable à toi. Je t'adore, Seigneur. Il est comparable à toi. Car tu es grand. Jésus, tu fais des miracles. Merci pour le Seigneur. Il est comparable. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand tu Jésus, nous t'adorons ce matin. Jésus, sois béni éternel, sois glorifié éternel, sois glorifié éternel, sois glorifié éternel. Oh Dieu, tu mérites, oh Dieu, tu mérites, oh Dieu, tu mérites, oh Dieu, tu es élevé, oh Dieu, tu es élevé, oh Dieu, tu es élevé, oh Dieu, tu es élevé, oh Shama. Thank you. merci. Hey Yahweh, comment élevé-tu? Oh merci Jésus. Hey, yes. Oh merci Seigneur. Oh merci Jésus. Alléluia. Oui, c'est à toi, l'agneau immolé. Nous élevons ton nom. Nous bénissons ton nom. Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, merci Jésus. En santé, Jésus. Laisse ton cœur commencer à monter de plus en plus vers le Seigneur. Acharo yako yanze kupanda tena mbele ya Bwana. Il a besoin de ton cœur. Anahitajia moyo wako. C'est là qu'il est à l'intérieur. Nani mule eko ndani. Et quand il sera rempli, il va parler le cœur. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors commence à monter dans la prière tout doucement. Commence à monter. Commence à prier simplement. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci. Oui, que ta prière arrive ici, que ta prière arrive devant le Seigneur. Alléluia. Oui, monte encore et encore. Panda tena tena saidi. Merci Jésus. Inonde nos cœurs de ta puissance, Père. Inonde nos cœurs de ta puissance. Oh alléluia. Inonde nos cœurs de ta puissance. Inonde nos cœurs de ton esprit. Inonde nos cœurs de ton esprit, Père. Ce matin, nous sommes disposés de recevoir une dose de ta part, éternel Dieu des armées. Nous sommes disponibles, Père, pour recevoir une dose de ta part ce matin. Nous laissons nos cœurs, Seigneur, et tournons vers toi pour recevoir Alléluia. Une dose ce matin. Oui, il est présent. Oui, il est à côté de toi ce matin. C'est toi qu'il veut. Il est descendu pour toi. Il est descendu pour toi. Jésus. Jésus. Remplis-nous ce matin. Ce matin, éternel Dieu de grâce. Oui, tu continue à prier, continue à monter en prière. Pendant que les instruments nous chantent, les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seulement les instruments. Alléluia. Alléluia. Oui, toi monte en prière. Je vais transformer ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Éternel le Dieu des armées. Éternel le Dieu des armées. Éternel le Dieu des grâces. Éternel le Dieu des grâces. Éternel le Dieu des grâces. Oui, come on. Éternel le Dieu des armées. Une dose ce matin pour nous. Oh, alléluia! Il transforme des vies. Nos cœurs disposés pour recevoir ton esprit. Donne-nous ce que tu as prévu ce matin. Remplis-nous, Seigneur, d'une nouvelle dose éternelle de gloire de ta part ce matin. Nous sommes disponibles, ton nom de grâce. Alléluia. Nos cœurs tournés vers toi. Oui, ça vient. Recevoir, Seigneur, oui, le Saint-Esprit est là. Seigneur de toi, ton nom de gloire. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Pour transformer nos vies. Que ton esprit commence à parler. Pour changer nos vies. Que ton esprit commence à transformer nos vies ce matin. Que ton esprit commence à nous téléporter ce matin, Père. Dans une autre dimension de ta puissance. Dans une autre dimension, Père, de ton nom. Dans une autre dimension de ta gloire. Ce matin, Père. Transformez les vies. Touche-nous ce matin. L'Esprit de Dieu. Ouais-nous ce matin. Transformez-nous ce matin. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Nous avons tout abandonné pour venir, Seigneur, te chercher. Nous avons tout laissé ce matin pour toi. Nous avons laissé nos lits pour toi. Oui, transforme les vies. Manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de grâce. Le Dieu qui agit en son temps. Le Dieu qui parle à son peuple. Le Dieu qui se manifeste devant son peuple. C'est à toi que nous sommes là. Agis, agis, agis, agis, agis. Agis. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Touche-nous ce matin. Oriente-nous ce matin. Oriente-nous ce matin. Accorde-nous, Père, une nouvelle dimension de ta puissance, une nouvelle dimension de ta gloire. Pour ce qui est Yahweh, pour ce qui est Yahweh, il y a des choses qui sont invisibles, que cela n'est invisible ce matin. Il y a des choses qui nous anéantissent, que ça tombe ce matin. Il y a des choses qui passent sur nous, que cela tombe ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, gloire à ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le Fils de l'homme. Gloire à toi, le ressuscité du troisième jour. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Manifeste-toi. Fais son entrée. Manifeste-toi. Aïe, manifeste-toi. Aïe, manifeste-toi ce matin. Aïe, manifeste-toi aïe, ce matin. Oui, le roi est là ce matin. Touche-nous, touche-nous, touche-nous. Le touche-nous, roi Père. Fait touche-nous, son Père. Entrée. Oh, Jésus, Jésus. Aïe, Jésus. Aïe, libère l'atmosphère céleste aïe, au milieu de nous. Aïe, libère aïe, l'atmosphère céleste au milieu de nous. Comme ce jour-là dans la chambre haute. Le monde ne pouvait croire. Ne comprendre rien de la façon. Le monde ne pouvait comprendre, Père. Que c'était la manifestation de l'Esprit. Accorde-nous ton esprit. Accorde-nous ton esprit. Accorde-nous ton esprit. Ce matin, Père, remplis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous, Père. Remplis-nous, Père. Le roi de gloire fait son entrée. Parle le Saint-Esprit ce matin dans ta présence. Que nos bouches parlent devant toi. Que nos bouches parlent devant toi. Que nos cœurs soient inondés de ta puissance. Que nos cœurs soient remplis de ta puissance. Que nos cœurs fait son entrée. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont brisées, les chaînes. matin, nous te levons. Que tu vois ce que moi je dis. Oui, il y a des voix que je veux entendre. C'est toi que je veux entendre ce matin. Et il va te remplir de son esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui, commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Saint-Esprit. Ta prière ne doit pas dépendre de la musique ni des instruments. Mais de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Saint-Esprit. Oui, monte en prière. Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, alléluia. Touche-nous ce matin. Déborde au milieu de nous, Saint-Esprit. Déborde au milieu de nous, Saint-Esprit. Déborde au milieu de nous, merci. Saint-Esprit. Déborde au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Oh, merci, Saint-Esprit. Déborde au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Touche-nous, touche-nous, touche-nous. Touche-nous ce matin. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Parle. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Monte à nous, accorde-nous la soif éternelle. Saint-Esprit, donne-nous la soif de nous exprimer au devant de toi. Saint-Esprit, donne-nous la soif. Eya, soka, eka, eka, noria konska itelege, rakampa inema uskele, renouya unava idele, remanians ka utele mampa idekos. Ce matin, nous te louons parce que tu es Dieu. Oh, merci. Tu es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu à part toi. Merci Jésus. Alléluia. Et ta housse qu'elle est menée en plat. Tu clamons, canon, aïe. mon salem ma ce matin Dieu de gloire. Touche-nous ce matin Dieu de gloire. Laisse que nos cœurs s'expriment devant toi. Laisse que nos cœurs parlent des problèmes que nous avons. Laisse que nos cœurs s'expriment devant toi. Où l'ennemi ne peut pas les tenter, Seigneur. Nous sommes attaqués parce que l'ennemi comprend ce que nous disons à toi. Nous sommes attaqués parce que l'ennemi découvre le message que nous te donnons. Mais ce matin, nous ne voulons pas parler comme Nicolo, mais nous voulons parler encore de paix. Nous voulons parler dans notre langue, dans notre de gloire. Alléluia. Comme tu l'as écrit, Seigneur, que celui qui parle en langue s'édifie, il communique direct avec le ciel. Que ce matin, que ton peuple parle à notre langue céleste. Permets que ton peuple parle à notre langue céleste. Où l'ennemi ne saura pas détecter le message. Il ne saura même pas coder le message, Père. Accorde-nous ta puissance ce matin. Accorde-nous ta puissance ce matin. Accorde-nous ta puissance ce matin. Accorde-nous ta puissance ce matin. Accorde-nous ta puissance ce matin. Accorde-nous ta puissance ce matin. Que nos bouches parlent. Parle, parle. Que nos bouches s'expriment ce matin. Que nos difficultés. Car nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. À qui nous pouvons crier? À qui nous pouvons aller prier? À qui nous pouvons chercher? Que cette femme, Père, que des femmes ont cherché la gloire. Parce que ça c'est la solution. Du roi, que le roi utilise la sagesse divine. Pardonne-nous l'orientation. Est-ce qu'on peut garder un moment de silence devant le Seigneur? C'est des moments où Dieu visite des vies, des cœurs. Alléluia. Alléluia. Il y a des dons que Dieu répand dans son Église. Pour l'édification du corps. Oh merci Saint-Esprit. Remplis. Remplis nos vies. Et répands tes grâces. Alléluia. Prends le contrôle de ces instants. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Acclame, célèbre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je t'aime, tu le sais? Dis, je t'aime. Nous pouvons chanter ce cantique en disant, avec amour, tu le dis à ton Dieu. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Nous chantons ce cantique dans la joie. Thank you. t'aime, tu le sais. Tu peux chanter. Je te porte dans... Et mon cœur. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime. Je te porte dans mon corps. Et mon corps bouillant d'amour. Oui, je t'aime. Je te porte dans mon corps. Et mon corps bouillant d'amour. Bouillant d'amour. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Jésus? L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour venir pour moi. L'amour est une personne qui m'a pris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui a accepté de mourir à la croix pour toi et pour moi. Oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon corps. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon Jésus, tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Oui, tu es mon papa. Tu es mon papa. Écoute ça. Amoureux, je suis amoureux de Jésus, amoureux. Amoureux. Oui, assoiffé. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Jésus? Oui, assoiffé. Je suis. Est-ce qu'on a un groupe qui a mis les biques et les gueules? Jésus. Aïe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Et acclamer pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Dis-lui que c'est un grand jour. Un grand jour. Frère, on a chimamana na la mukia ko munjako. Qu'est-ce qui se passe? Quand on se salue, on se met quand même debout, on dit bonjour, on serre la main. Ça ne coûte rien. Un bonjour ne coûte rien. Jambo ya bule ai lazim. J'espère que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alors je voulais faire 4 services ce matin. 4 services. Kazi ina. Le premier service, donnez-moi les certificats de baptême. Je suis dans la joie ce matin de recevoir les bien-aimés qui ont été baptisés, qui ont donné leur vie au Seigneur. Qui sont devenus membres de l'Église. Wanakuwa nao wa memba wa kanisa. Oui, la sœur Tiboaboa Jaël. Est-ce qu'elle est là? Elle est où la sœur? Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut l'acclamer très fort. On peut l'acclamer très fort. Alors, je vais appeler les évangélistes. Toi là. Les évangélistes, venez accueillir les ceux qui ont été baptisés. Les évangélistes, venez accueillir ceux qui ont été baptisés. Venez. C'est ça le travail. Passez ici, vous accueillez ceux qui ont été baptisés. Alléluia. Amina. Et Monsieur Kissant, certificat de baptême. C'est la sœur Jaël, telle que vous la voyez. La deuxième qui a été baptisée, c'est la sœur Seya Clémence. Dada Seya Clémence. Est-ce qu'elle est là? Allez l'accueillir là, vous l'amenez. Accueillez là, vous l'amenez dans la joie. Ok. Et la troisième, c'est la sœur Véronique Lunyangi. J'espère que j'ai bien prononcé. Maman Véronique Lunyangi. Est-ce que vous pouvez aller accueillir maman? Allez-y, allez accueillir maman. Allez l'accueillir, amenez-la. Accueillez maman. Accompagnez-la. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Véronique. Karibu maman Véronique. Mungu amibariki. Alléluia. Amina. La sœur, j'espère que j'ai bien prononcé le mot, Bisambira Emérance. Les hôtesses, hein? Voilà. Vous allez commencer à exagérer comme ça. La sœur Galula Nyunga Niclette. Dada Galula Niclette. Maman Niclette, Karim. Alléluia. Acclamez pour elle. Mon piquet, Mikono. Le frère Mukenji Jude. Nduku Mukenji Jude. Alléluia. Le frère Ngoi Benjamin. Nduku Ngoi Benjamin. Est-ce qu'on peut les acclamer? Ça, tu n'as pas besoin de piquer à mes connards. J'allais demander un cantique, mais mes choristes sont déjà partis. Non, reste là, vous voyez. Si je n'ai pas encore commencé, restez de bon côté de moi. Il faut toujours, les choristes doivent toujours rester à côté avec leur vinanda. Voilà, c'est ça le choriste. Donc toi, tu restes, c'est bon. Je suis dans la joie. Pour les bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont témoigné que Jésus-Christ est vivant devant les anges de Dieu, devant le diable, devant le monde. Et ils sont devenus enfants de Dieu et par le baptême, témoins de Jésus-Christ. Et membres de l'Église. Alléluia. Amina. Donc, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer toutes mes ordonnances. Et j'encourage l'Église. Si tu n'es pas encore baptisé, viens. Donne ta vie au Seigneur et le Seigneur a besoin de toi. Amen. Amina. Mes félicitations, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Waouh, que Dieu vous bénisse. Maman, de vous. Maman, de vous. Sana. Pendant qu'ils rentrent à leur place, nous les acclamons très fort. Alléluia. Amina. Pendant toute la semaine, nous avons enseigné 7 principes qui ne sont pas exhaustifs. Il est aïché parle pour chasser la mort dans nos vies. Et nous avons dit que nous devons toujours connaître certaines choses et pour bien prier. Alors c'est toujours le même verset de 1 Roi 3, 27 que nous avons utilisé. J'ai fait une promesse ce matin avant de commencer l'enseignement de ce matin qui partira encore de ce verset. Je dis que les gens qui ont bâti quelque chose pour Dieu, quand les moments devenaient difficiles dans leur vie, ils se levaient et rappelaient à Dieu. Ils rappelaient à Dieu que j'ai bâti ton église. Nous avons lu ça dans Luc. Ce centenier, quand il a un enfant et serviteur malade, quand il appelle Jésus, les anciens d'Israël disent à Jésus, ce n'est pas une faveur que tu vas lui donner, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une grâce, mais il mérite que tu lui donnes cela, parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite, frères et sœurs, il y a des choses que nous avons par la grâce. La grâce est une disposition. La grâce est une provision. Mais avoir la provision ne suffit pas pour manger. Pour manger, il faut prendre dans la provision, mettre dans la casserole et manger. Ils ont dit à Jésus, Warimwambia Yesu. Il mérite. Anastahili. Il mérite. Anastahili. C'est la seule fois où dans la Bible on dit à Dieu il mérite. Inakuwa ni mara kwanza ndani ya Biblia wanamwambia anastahili. Et Dieu n'a pas dit non. Na Yesu asikusema hapana. Imaginez-vous, on dit à Dieu, mais cet homme mérite que tu lui accordes cela. Que tu lui accordes. Que tu partes pour guérir son serviteur qui est sur le point de mourir. On n'a pas dit non, c'est on te supplie. Non, non. Il mérite. Anastahili. Bien-aimé, nous avons compris. Wapenda tuweza kuelewa. Qu'à un moment donné, nous devons travailler chacun pour chasser, éloigner la mort dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous devons travailler pour cela. Nous avons parlé de l'innocence. L'innocence qui était le premier principe. Nous avons parlé de savoir nourrir les hommes de Dieu, prendre soin des hommes de Dieu. On a parlé de toutes ces choses-là. Et puis on a atterri, on a dit il faut bâtir la maison de Dieu. Alors ce matin, avant que je n'enseigne, je vais enseigner et prêcher au même moment. Je vais prier pour les personnes qui sont décidées, qui peuvent s'engager aujourd'hui pour bâtir la maison de Dieu. Les gens qui vont s'engager, j'ai dit en semaine qu'on se prépare. Tu prends la ferme décision. On a beba tout mpango wako. Tu me dis, unasema, ou tu écris sur papier, tu viens devant, je prie pour toi. Je prie pour toi. Wanakombea. Parce que la parole de Dieu est intègre. Sababu neno ya Mungu iko ya kwea kuikala pale. L'intégrité de la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous allez traduire en swahili, c'est votre problème. Mais elle est intègre. Elle fait ce qu'elle dit qu'elle fait. Alors, j'aimerais prier pour quelques personnes, comme je l'ai dit en semaine. Et même quand je prenais le travail de ce matin, l'Esprit m'a ramené encore à cela. Je vais prier pour quelques personnes qui s'engagent de façon exceptionnel à contribuer à bâtir la maison de Dieu. Si tu es là, lève ta main, viens ici, le panier est là, écris, je vais prier pour toi. Je vais prier pour quelqu'un. Il y a quelqu'un pour qui je dois prier ce matin. Si tu dois vendre ta maison, vends ta maison. Si tu dois vendre ta voiture, vends ta voiture. Si tu dois vendre tes habits, vends tes habits. Mets ton Dieu à l'épreuve. Viens, je vais prier pour toi. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit ce matin. Mets-toi ici devant. Non, regarde-moi. Je vais prier pour toi. Il y a des paroles que je dois déclarer sur ta vie. Qui d'autre? Oui, commence à monter. En sakupanda. Qui peut nous chanter ça? Toujours avec toi. Naweza kutuimbia ile. Qui d'autre? Nani mwingine? Nous tous nous cherchons à chasser la mort dans nos vies. kufukuza lufu maisha yetu. Le Seigneur t'attend bien, mais prends la décision. You are the living God, oh. Is there no one like you? Alleluia. Ecoue-me. Ça, c'est un temps de violence. C'est le temps de violence. Des gens qui veulent mettre Dieu à l'épreuve. You are my strong tower, my living one. You are the living God. There's no one. C'est toi que j'attends et je vais prier. Merci ma soeur, maman. Qui d'autre? Merci mon frère. Chasse la mort dans ta maison. Ce n'est pas seulement la prière. C'est ce qu'on a appris et on met Dieu à l'épreuve. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end, God. You are the living God. There's no one like you. Oh, Rabbi Shaka. You are my maker. You are my doer. You are my savior. You are my number one. Is it? Oh, is there no one like you? Donc à la source féconde, il n'y a que ces personnes qui sont décidées de bâtir le temple de Dieu. Je veux que tu sois béni. Je veux que certaines choses dans ta vie partent. Fais-toi violence. C'est le temps des violents. Vous savez, cette semaine, j'ai posé la question quelque part. iPhone 1500 dollars. Nous avons des iPhones. Un véhicule. Gari. Il y en a pour 5, 10. 50, 60, 80. David dit, je ne vais pas dormir dans une maison construite si je n'ai pas encore bâti la maison de Dieu. Et quand Dieu a vu David, Dieu a dit, je jure, moi l'Éternel. Il ne pouvait jurer que par lui-même. Tous tes enfants, ta progéniture, ton trône sera attaché à ta vie. Oui, maman, que Dieu te bénisse. C'est le temps des violents. Il y a un temps de violence. Qui sera le dernier et je vais prier. Nani wa mwisho kisha tuombe. Jéhovah, je déclare, basi nasema, sur la vie de tes serviteurs et servantes. Comme serviteur et sacrificateur de l'Éternel. Conformément à ta parole. Ces personnes qui sont là, qui ont honoré ta parole, qui ont cru en ta parole, qui ont pris la décision de bâtir le temple de Dieu, la maison de Dieu. Je prie maintenant par le pouvoir que le ministère me confère et par la révélation que tu m'as donnée, que la mort soit chassée de leur vie, de leur maison, de leurs enfants, que leur progéniture se souvienne que leurs parents ont servi l'Éternel et ont bâti pour Dieu. C'est pourquoi je les recommande à ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les bénis maintenant. Je bénis leur vie. Je bénis leur vie. Je bénis leur vie. À partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau dans leur vie. Seigneur, c'est à toi le témoignage. C'est à toi le témoignage. C'est pour toi, Seigneur. Manifeste-toi maintenant. Et que ta grâce soit sur leur vie. Je les recommande entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez rentrer à votre place. Alléluia. Seigneur, merci. Baba, you are the living God. Oui, tu es le Dieu vivant. Personne n'est comparable à toi. No one can make what you do. No one can make like you make, Jesus. You are the living God. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Akuna mutu eko kama we. You are the living God. You are the living God. No one is like you. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fidèle et merveilleux. Mes enfants, enlevez ce qu'on a dit pour vider le panier. Mettez ça ailleurs parce qu'on va continuer à prier pour eux. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3, versets 27 à 28. Et puis nous allons lire dans Luc chapitre 24, verset 17. Donc Luc 24, 17 vient se rattacher à 1 Roi 3, 27, 28, comme on a dit. 1 Roi chapitre 3, verset 27 à 28. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Verset 28. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Wakapata habari kwa ile mfalme aliweza kufanya. Et l'on craignit le roi. Wakamwogopa mfalme. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Kwa sababu waliona hekima ya Mungu ilikuwa ndani yao juu ya kuongoza kwa hali nzuri. Luc chapitre 7. Luka sura yake ya 7 verset 17. Mustari wa 10 na 7. Non, Luc, c'est plutôt, c'est Luc chapitre 24, sorry, verset 17. Luc 24. Il leur dit, akawaambia, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ni maneno kani ambao mnazungumzia mkitembea? Pour que vous soyez tout tristes. Ili mupate kuwa nyinyi wote katika hali mbaya. Hapana hali mbaya. Wenye uchungu. Et parfois même si je ne suis pas interprète, parfois tu sens qu'il y a un problème. Il leur dit, akawaambia, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Kwa nini mnakuwa mkizungumziana wakati mkunatembea? Ils marchaient. Walikuwa wakitembea. Ils s'entretenaient. Walianza kuzungumziana. Pour que vous soyez tout tristes. Ili nyinyi wote mupate kuwa katika huzuni. Tout signifie tout à fait triste. C'est pourquoi il n'y a pas de S, il n'y a pas. Voilà, tout est écrit comme ça. C'est ça, ça c'est le français. Ok. Pour que vous soyez tout tristes. Ili mupate kuwa katika huzuni. Qu'est-ce qui se passe? Nini kunapitikana? Deux disciples. Wanafunzi wawili. Après la résurrection de Jésus-Christ. Kisha kufufuka kwa Yesu Kristo. On nous parle de deux disciples. Wanatuzungumzia wafasi wawili. Qui quittent Jérusalem. Wanatoka Yerusalemu. Qui vont à Emmaüs. Wako naenda ku Emmaüs. Le verset 13 nous dit. Na mustari wa 13 unatuambia. Ils sont partis à un village. Walienda kwenye kijiji kimoja. Qui était éloigné de 60 stades. Ilikuwa mbali na kadiri ya 60 stades. À peu près 11 kilomètres. Kadiri ya ata urefu wa 11 kilomètres. Et ils marchaient. Na walianza kutembea. Ils marchaient. Walianza kutembea. Pendant qu'ils marchaient. Wakati walianza kutembea. Un homme vient vers eux. Mtu mmoja anakuja mbele zao. Et il leur pose la question. Na yeye anawauliza swali. De quoi vous parlez en marchant? Ni nini ambayo mko nazungumziana mkitembea? Pour que vous soyez tristes. Ili mupate kuwa katika uchungu. Il y a des gens ce matin. Kuna watu ya asubuhi. Qui ont marché. Waliweza kutembea. 6 mois. Miezi 3 ans. Miaka 5 ans. Miaka 5. 10 ans. Miaka 10. 20 ans. Miaka 5. Qui marche toujours. Wako natembea kila mara. Triste. Wenye huzuni. Tu es là ce matin. Uko hapa asubuhi. Ta vie est triste. Maisha yako yanakuwa katika huzuni. Tes années sont tristes. Miaka yako yanakuwa katika huzuni. Tes semaines sont tristes. Mawiki yako katika huzuni. Ça fait longtemps que tu marches comme ça. Inakuwa miaka mingi kunatembea hivi. Et Jésus arrive. Yesu anafika. Il leur pose la question. Anawauliza swali. Pourquoi vous allez marcher comme ça? Chuo nini mtaweza kutembea hivi? Pourquoi vous allez marcher comme ça dans la vie? Chuo nini mtaweza kutembea hivi mu maisha? Comment il a compris? Namna kana aliweza kuelewa? C'est par rapport à leur discours. Ni kulinganisha tu na misemo yao. Par rapport à leur parole. Kulinganisha tu na bile walianza kusema. Si vous voulez savoir ce que est un homme. Kama mnapenda kuchua kile na kwa mtu. Écoutez-le parler. Mumusikie wakati yako nazungumza. Tes paroles, misemo yako, vont déterminer ta direction dans la vie. Itaonesha tawongozaji wako mu maisha. Tes paroles, misemo yako, c'est comme une aiguille. Inakuwa ni kama tushindani. Là où elle passe, kule kuna pita, c'est là que ta vie va passer. Ni kule maisha yako sharti ipite. Tes paroles, misemo yako, détermine l'état de ton cœur. Iko naonesha ta hali ya roho yako. Écoutez seulement quelqu'un. Sikia tu mtu mmoja. Vous connaîtrez l'état de son cœur. Na mtajua hali ya roho yake. D'où l'importance des paroles. Yote matokeo mafaida tu ya kusema. Toute parole que tu prononces dans ta vie. Musemo wote ambao unakuwa ukinena mu maisha yako. Reste dans une sphère spirituelle. Iko na bakia pa hatua moja hivi ya kiroho. Dans l'espace spirituel. Yulu tu fasi ya kiroho. Elle ne peut être annulée que par une autre parole. Na inaweza kuangushiwa kupitia msemo mwingine. Oh, c'est pourquoi ce matin, yasubui, si vous prononcez de mauvaises paroles dans votre vie, kama munasema misemo mibaya mu maisha yenu, sur vous-même, kwa nyinyi wenyewe, sur vos enfants, kwa watoto wenu, sur vos affaires, kwa watoto wenu, ces paroles-là, misemo yote ile, vous attendent quelque part. Inakuwa ikimingojea fasi moja. La Bible dit qu'au dernier jour, Dieu jugera tout homme de toute parole qu'il aura prononcée. Biblia inasema siku ya mwisho Mungu atahukumu kwa misemo yote aliyoanza kusema. Et il y a des gens, na kuna watu, qui ont mis les bornes à leur vie. Qui ont mis les bornes. Wale watakuwa na mipaka. Qui ont mis. Waliweka mipaka. Et comment on met une borne à sa vie? Na namna kani tunawekaga mipaka wa maisha yetu? C'est par ses paroles. Ni kupitia tu misemo yetu. Quand on est enfant de Dieu, wakati tunakuwa mtoto wa Mungu, en fait, l'extérieur ne peut pas vous détruire. Ata ya inja iwezi kumiaribu. L'ennemi ne peut pas te détruire. Adui ya siwezi kuaribu. Mais l'ennemi va s'arranger. Lakini adui ya taditengeneza. Pour que la destruction vienne de l'intérieur. Ili apote tukubeba ubaya kwa kutokea ndani. Vienne de toi. Inatokea kwako. Vienne de tes paroles. Na inatokea kwa misemo yako. Il va te pousser au bout. Ata kusukuma kumishu. Et puis tu acceptes. Na unaichika. Mina choka. Je suis fatigué. Ni kufu et tout. Que je puisse seulement mourir. Et quand tu dis ça, na wakati utasema ile, c'est fini. Kunaisha kwako. Pour changer, juu ya kubadilisha, il faut annuler cette parole. Inafadhali kuangusha ile msemo. Je connais quelqu'un. Najua kwa mtu mmoja très malade. Mgonjwa zaidi. Il dit mina choka. Adike moi je suis fatigué. Nina choka. Je suis épuisé. Ni kufwe. Que je puisse mourir seulement. Comme a dit longtemps après. Vila rosa kusema miaka kisha. Il était déjà sur la pente. Alikuwa mama telemuko. Il ne savait plus parler. Asikuweza tena kuzungumza. Mais cette parole il a mis une borne. Na ile msemo ile waza kuangusha mpaka. Cette parole a dit. L'ennemi a dit, il a dit à Dieu, Dieu ce n'est pas moi. Adui alisema aina mimi. Lui-même. Ni yeye peke yake. Il a dit. Aliweza kusema. C'est fini. Kunaisha. Alors les deux disciples. Awa wanafunzi wawili. Jésus avait plusieurs disciples. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Plusieurs. Wengi kabisa. Je me demandais depuis que je méditais cette semaine ce verset, pourquoi il a choisi d'aller vers les deux? Jua nini aliweza kuchakula kwenda mbele hawa wawili? Parce qu'il connaissait. Kwa sababu alijua l'importance mafa des discours. Ya misemo. Les discours que tu tiens. Misemo ambayo unakuwa ukisema. Vont déterminer ce que sera ta vie. itaonesha kile itakuwa maisha yako. Quand David se lève, il dit non, je ne mourrai pas. Wakati Daudi anasimama, pana sitafariki. Je vivrai. Nitaishi. Ce n'était pas qu'il était saint. Aina kusema alikuwa mtakatifu. Il a compris l'importance. Aliweza kuelewa tu mafaa. Tu as parlé à mal sur toi-même. Uruweza kusema kwa mabaya kwa ajili yako mwenyewe. Shiba hivi, joba bule, joba tuweza frère. Nous comme ça, on ne réussit jamais. Il y a des bornes qui doivent partir aujourd'hui. Nabitu sherti biondoke. Plusieurs souffrent. Wengi weko na teseka. Ils ont mis des bornes. Wariweka mipaka. Des limites. Wariweka mipaka. Tu ne peux pas traverser. Ta parole va te ramener là où. Usemo wako itakurudisha paka pale. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Wananiuliza nini nafasali tufanye? Avant de voir les causes et les conséquences. Ili tupate kuona matokeo mabaya. Avant, je vais donner le thème tantôt là. Toute la semaine, nous avons parlé de 1 roi chapitre 3 verset 27. Wiki mzima tulizungumzia wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 27. Deux femmes. Wanawake wawili. Dans la même maison. Ndani ya nyumba moja. Avec un seul enfant. Na mtoto mmoja. Il n'y a pas de témoin. Hakuna washuda. Une sait que c'est mon enfant qui est en vie. Mmoja anasema ni mtoto wangu aliyo hai. L'autre sait que son enfant est mort mais elle ment. Huyu mmoja anajua kusema mtoto wake shofariki lakini anakuwa kidanganya. Et se présente devant le roi. Na wanajipeleka mbele mfalme. Le roi doit trancher. Mfalme anapasha kuyaweka wazi. Donnez-moi l'épée. Munipe ko kipanga. Coupez l'enfant qui vit en deux. Mupasue mtoto yuko naishi vipande viwili. L'autre dit. Huyu mwingine anasema. Coupez. Nous allons voir comment est-ce que ça sera. L'autre dit non, roi. Ne coupez pas l'enfant. Donnez-lui l'enfant qui vit. Que l'enfant reste en vie. Sur base des paroles. Sur base des paroles. Ni kwa misemo tu. Le roi a compris. Mufalme aliweza kuelewa. À qui appartenait l'enfant qui vit. Mutoto huyu alikuwa ni wanani ambaye alikuwa akiishi. Sur base des paroles. Kwa misemo tu. Le roi a pris la décision. Mufalme alichukua mpango. Donner l'enfant qui vit à la première. Mumupe mutoto yuko naishi wa kwanza. C'est elle qui est sa mère. Ni yeye ndiye mama yake. Le roi parle au présent des choses claires. Mufalme eko nasema pale pale bitu bya wazi. Elle qui serait. Akusema aina yeye atakuwa. Non. Hapana. Il a dit c'est elle qui est. Alisema ni yeye ndiye mama yake. Sa mère. Mama yake. Le verset s'arrête là. Na mustari nasimamishwa hapa. Avec les deux femmes. Pamoja na wanawake wawili. Entre le verset 27. Na mustari wa 27. Et le verset 28. Na mustari wa 28. La Bible ne nous donne pas la réaction de la femme. Biblia haitoneshe kutenda kwa ule mwanamke. Qui a pris l'enfant. Aliweza kuchukua mtoto. Mais le verset 28. Lakini mustari wa 28. Nous pousse à comprendre quelle était la réaction de la mère de l'enfant. Inatusukuma tupate kuelewa ilikuwa ni kuwaza kani kwa mama wa mtoto. Au verset 28 on nous dit. Na mstari wa 18 wanatuambia. Tout Israël. Israeli yote mzima. Tout Israël. Israeli yote mzima. C'est-à-dire. Ni kusema. Même la femme qui a menti. Hata mwanamke aliweza kudanganya. A changé de discours. Ariweza kubadilisha misemo. Ce matin. Iasubui. Ce matin. Iasubui. Ton Dieu. Mungu wako. Seul. Peke yake. Va changer. atabadirisha ton discours. Musemo wako. Le discours de tes ennemis. Misemo ya wadui wako. Et le discours de toute la RDC. Na misemo. Oh, il est temps aujourd'hui. Inakuwa wakati leo. Quelque chose va se passer. Kitu kimoja kitapitikana. Dieu va changer ton discours. Mungu atabadilisha misemo yako. Il va changer le discours dans ta famille. Atabadilisha misemo mukazi. Il va changer le discours dans ton travail. Atabadilisha misemo mukazi. Il va changer tous les discours. Atabadilisha misemo yote. Et tout Israël. Ya Israël yote misemo. Toute la source au feco. Chem la usa. Tout likasi. Ya likasi musima. Toute ta famille, ya chama msima. Toute ta belle famille, ya ta chama. Tout le pays, ata ya ichi msima. Watajua que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ya kusema ni Bwana ndiye Mungu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ni Bwana ndiye Mungu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ni Bwana ndiye Mungu. Jésus les rencontre. Yesu anakutana nao. Les deux, wawili, parlent et leurs paroles, na misemo yao, font qu'ils sont tristes. Inaonesha kusema wanakuwa katika huzuni. La tristesse c'est quoi? Il est uzuni ni nini? La tristesse. Uzuni, c'est une déception. Inakuwa tu ni kutupiwa. Une déception. Kuachiliwa. Un manque de quelque chose. Kupusa kwa kitu kimoja. Une façon où on n'a pas atteint ce qu'on a espéré. Ali moche la tukuweza kufikia kile kitu tuliweza kutamania. Qui crée une douleur permanente au cœur. Na kinaweka kwa maumivu ya pale kwa roho. Une sorte de léthargie. Hata kitu kimoja kidogo. Et on commence à vivre comme ça. Na tunaanza kuishi hivyo. Généralement elle est permanente. Kwa wingi inakuwa kapaka pale. Elle est permanente. Inakuwa kaya kone kana, paka pale. Donc il y a des gens dans la salle. Kuna watu ndani ya chumba. Qui vivent tristement. Weko naishi katika huzuni. Parce qu'ils sont déçus. Kwa sababu waruweza kuumizwa. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas obtenues dans leur vie. Kuna kitu ambao wakuweza kupata mu maisha zao. Et quand ils marchent. Na wakati wanatembea. Leur discours. Misemo yao. Oh, tu es là, bien-aimé. Uko hapa mpendwa. Ta vie n'a que des paroles tristes. Maisha yako ikupaka na misemo ya uzuni. Que tu sois seul. Uko peke yako. Quand tu pries. Wakati unaomba. Devant tes enfants. Mbele watoto yako. Dans ta famille. Ndani ya chama yako. Dans l'église. Ndani ya kanisa. Tu as une vie triste et des paroles tristes. Uko na maisha ya uzuni na misemo ya uzuni. C'est ce que Jésus leur a dit. De quoi vous parlez? De quoi vous entretenez-vous? Pour que vous soyez tristes. La tristesse est révélée à travers leur discours. Deux. Yapili. C'était quoi la cause? Chanzo ilikuwa ni nini? Ils expliquent à Jésus. Wako na mufasiria Yesu. Il dit mais tu n'es pas au courant. Anaambia si wewe hujui. De ce qui s'est passé. Ya ile iliweza kupitikana. Nous espérions. Turuka tukitumainia. Que le Jésus là. Yakusema Yesu ule. C'était lui qui allait nous délivrer. Ni yeye alipasha kutufungua. Tel qu'il parle, nous espérions. Turuka tumainia. Ça signifie inamaanisha que leur espérance sema tumaini yao perdu. Iripotea. Il y a des gens qui sont tristes. Kuna watu katika huzuni parce qu'ils pensent kwa sababu kuna fikiri que leurs espoirs sema matumaini yao leurs espoirs matumaini yao sont perdus. Inapotea. Tu es là ce matin. Uko hapa asubuhi. Tu as espéré quelque chose. Uliweza kutumainia kwa kitu kimoja. Tu as espéré dans quelqu'un. Uliweza kutumainia kwa mtu. Tu as même espéré en Dieu. Uliweza kutumainia kwa Mungu. Qu'il devait faire. Asema mpeni. Mais l'espérance espérance est perdue. Comment ils comprennent que l'espérance est perdue? Ils ont dit ça fait 3 jours. Ils regardent au temps. Le temps promis est passé. Dieu t'a promis dans 10 ans, dans 3 ans, dans 9 mois, tu auras un enfant dans une année. Mais le temps est perdu. Tu n'as pas d'enfant. L'espérance est perdue. Il y a des gens qui ont attendu longtemps pour avoir un travail, pour avoir un enfant, pour avoir une activité. Mais le temps est passé. Ils n'ont rien eu. Ils disaient 3 jours. Le temps l'a promis. Il n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Quand il est mort, on a pris une pierre, on a fermé son sépulcre. On a mis des gardes sur son sépulcre. Il y a des gens qui sont tristes, qui pensent que leur espérance ne reviendra plus. Leur espérance est bloquée. Leur espérance est bloquée par des gens plus forts que lui. On espérait. Mais ça fait 3 jours. Il n'est pas ressuscité. En fait, on ne sait pas. Mais les femmes nous ont dit qu'il est ressuscité. Mais nous là, on ne l'a pas vu. On a seulement entendu. Oh, une autre chose qui fait qu'on soit triste. Parce qu'on entend ce que les gens disent pendant qu'on ne voit pas encore dans sa vie. Frères et sœurs, si dans la vie vous devez fonctionner par rapport à ce que XY dit, vous marcherez toujours triste. Il y a des gens ici, personne ne leur parle, ne parle d'eux en bien. Mais ça n'empêche pas que Dieu travaille. Je dis à quelqu'un ce matin, même si toute la terre parlait en mal contre toi, que Dieu parle en bien. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ça se passe même en famille. Bien aimé, l'amour n'est pas seulement lié dans la famille. Un membre de la famille peut te détester. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Non, ne lève pas la main. Moïse. Moussa. Moïse. Moussa. Sa propre sœur. Dada yake wadamu. Tusende tumbari. Moïse. Moussa. Moïse. Moussa. Sa propre sœur. Dada yake Adam. Una replique en goma jana. Celui qui a joué tam tam de hier. Kesu. Le lendemain. Arsema nini. Qu'est-ce qu'il a dit? Na mungu na mpika bupele. C'est ça? La lèpre, hein? Bupele. Bukoma, merci. Bukoma. Marie, non, Myriam. Myriam. Sa propre sœur. Dada yake wadamu. Frère, si Moïse, sa propre sœur. Kama tu Moussa, dada yake wadamu. De sang. Wadamu. Joël, on t'a pas m'organisé ça, tout ce que c'est, bye. Mais toi, tu vas venir à dire qu'on ne puisse pas parler en mal de toi. Que sont tous Siriki. Et tu es en colère contre nous. Ah, tu as pas aimé. Laisse qu'on puisse parler. Mais Mungu. Mais Dieu. Mungu est quoi? Dieu est là. Alléluia. Amen. Mais Dieu justifie Moïse devant Myriam. Mungu kuna sambia Musa mbele ya Myriam. Myriam. Mais Myriam, c'est. Myriam a sauvé Moïse. Hein? Marie avait sauvé Moïse. Myriam a bébé en goma na pika Israël musima avant tout botte. Marie a pris tam tam et a tapé. Dans Exode 15, Exode 15, 14. Quand il, non, non, 15. Quand il traverse Wakati yuko natambuka. La mer rouge. Bahari nyekundu. Elle arrache le tam-tam. Anachukua ngoma. Elle compose même un cantique. Na anatunga tawimbo. Mais après elle dit non, est-ce que Dieu ne peut parler que par toi? Anasema Mungu siwezi kwenda paka na wewe. Donc nous tous ici là, sisi wote tuko hapa. Il n'y a que toi Moïse. Ni paka wewe Musa. Moïse a eu mal. Musa alikuwa na uchungu. Ma propre sœur. Dada yangu wa damu. Frères et sœurs. Nduku na dada. Si dans la vie, kama mumaisha, tu dois vivre en fonction de ce que les autres disent de toi, unapasha kuishi vile wengine wanasema kwa ajili yako, tu seras toujours triste. Utakuwa kila mara katika uchungu. Mais je donne aussi un conseil à l'église. Tunaleta tena shauri ku kanisa. Shie bakabwabwa. Nula kemo trop parler. Tuache kwanza kusema kwa paka bibaya ya benzetu. Arrêtons de commencer à dire des choses qui n'est pas agréable. De temps en temps, dis des bonnes choses. Sema comme sema ya mizuri. Si tu n'as rien à dire, kama unaniambia kusema, ferme la bouche. Unafunika kwa tunafunga kinywa. Parce que tes paroles, kwa sababu misemo, te reviendront un jour. Itakurudilia siku moja. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dans la vie c'est comme ça. Mumaisha ndio vile. Si tu n'as rien à dire, kama unaniambia kusema, tais-toi. Ikala kimya. Prie. Omba. Dis à Dieu. Sema na Mungu. Parce que ça va vers Dieu. Sema Dieu va gérer ça. Na Mungu ataweza kuyatilinda ile. Apana. Yanarojea nini? Atutamonea etc. Mutamonea ile siku anapita. Tu auras honte d'aller vers lui pour demander service. Utakuwa na haya kwenda mbele yake kumlomba kwa kazi mafulani. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui t'entend. Kwa sababu kuna mtu tu mmoja anakuwa akikusikia. Bien-aimé, quand tu parles, mpendo wakati unasema, il y a toujours quelqu'un qui t'entend. Kuko mtu kila mara ambaye anakusikiaka. Hata unaangalia unaangalia hakuna mtu. Même si tu regardes de part et d'autre, il n'y a personne. Kuko paka mtu. Il y a toujours quelqu'un. Alléluia. Amen. La terre t'entend. Udongo iko nakusikia. Le ciel t'entend. Mbingu pia inakusikia. Vous savez, quand Jésus devra revenir, wakati Yesu alipasha kurudia, la mer va retourner ses morts. Bahari iliweza kurudisha watu waliweza kumeza. La terre va retourner les morts. Udongo nayo iliweza kutapika watu waliweza kumeza. Ceux qui sont morts sous la, wale waliweza kufa ndani ya bahari. Nous si tunaweza kabisa kufa kabisa kwa bulongo. Non non, la mer va remettre les morts. Ata bahari itaweza kutapika wale waliokufa. C'est ce que la Bible me dit. Ni vile maandiko inasema. En un clin d'œil. Kwa ghafla tu. Ils vont monter. Donc quand tu parles, wakati unasema, sache parler de bonnes choses. Jua donc la cause, leur espérance était perdue. Tumaini yao iliweza kupotea. Ils n'avaient plus d'espérance. Hawakuwa tena na tumaini. Ils étaient sûrs que la mort avait retenu Jésus-Christ. Barukwana wakikisho kusema lufu iliweza kumshika Yesu Kristo. Ils étaient sûrs que le temps, barukwana wakikisho kusema wakati, était passé. Iliweza kupita. Mais ce qui est merveilleux, lakini kile kinakuwa njema, il n'était pas au courant, abakukue hata na ujumbe, de ce qui s'était passé. Ya ile iliweza kupitikana. Hier après-midi, quand je relis ça, jana jioni wakati nilianza kuyasoma hii, moi-même j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Pastor peke yake alianza kuloma tu rehema ya Mungu. Souvent nous nous plaignons devant Dieu des choses que Dieu a déjà résolues mais que nous ne connaissons pas encore. Mara mingi tunajililiaka kubintu Mungu ashakujibia lakini hatujui hapana. Que nous ne connaissons pas encore. Sisi hatujui hapana. Nous nous plaignons. Tunakuwa tukijilaumu. Nous nous plaignons. Tukijilaumu. Et après on te dit mais on te cherchait, ton problème était déjà résolu. Akusema baransa kutafuta hapo tatizo lako ushapata jibu. Tu as tellement parlé en mal. Uliweza kusema mingi sana mbaya. Tu ne sais pas revenir pour dire non non, je me repens, mimi na changé. Au chuo atakurudia na kusema natubu na mimi nabadilika. Comment Dieu change de discours? Namna kani Mungu anabadilisha kamisemo? Voici, je donne quelques processus rapidement, nous allons prier. Tunaoleta kwa tama namna ya kuweza kufanya kisha tutaomba. La première étape. Na hatua ya kwanza. Ça m'a fait réfléchir. Ili unifanya nipate kuwaza tena. Yesu ashikupa tokelema la moya. Jésus n'a pas appari comme ça. Jésus est venu comme un homme pour marcher avec eux. Yesu alikuja kama mtu ili atembee pamoja nao. Parce que quand quelqu'un a un mauvais discours, wakati mtu anakuwa na misemo mibaya, il doit être guéri. Anapasha kupata uponyaji. Ce n'est pas par la prière. Aina kupitia mahombi. Il doit être guéri. Anapasha kupata uponyaji. Aujourd'hui, Léo, ma prière est que Dieu change le discours par ce qu'il va faire ou il a déjà fait. Ombi letu ni Mungu abadilishe misemo kwa ile atafanya hata kwa ile ashakufanya. Quel est le processus? Sasa maandalio ni maandalio kani? Le processus de la guérison. Maandao hata ya matunzo. Verset 15. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. La présence physique, uwepo wa kimwili, d'une bonne relation, ya mahusiano nzuri, du Seigneur, ya Bwana. Vous remarquerez que beaucoup de gens qui marchent tristement dans la vie sont souvent seuls. Mutatazama kusema watu wale wanatembeaka peke yao na weko katika uchungu wanatembeaka ni wao wenyewe. Jusqu'à ce que la tristesse va t'amener à des pensées morbides. Paka pale uzuni itakupeleka hata kwa mafikiri mbaya. Morbide. Ya lufu. C'est l'objectif du diable reste le même, hein? Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en avant. Donc l'objectif du diable reste le même. Tuer, égorger. Quand il t'isole, tu es toujours triste. C'est son cela qui se pente. C'est son cela qui se jure dans la famille, dans la vie. Non, pas des choses comme ça. Apana vitu. Résolvons seulement le problème. Tu jibie tu kumambo. Le problème arrive, on va le résoudre. Mambo inafika kana itapata jibu. Dans la première étape, atua ya kwanza, Jésus est venu les accompagner. Yesu alikuja kuwasindikiza pour marcher avec eux. Ili apate kutembea pamoja nao. Deuxième étape, na atua ya pili, Jésus leur a posé la question. Yesu alawauliza swali. Pourquoi Jésus a entendu, mais pourquoi il les a posé la question? Yesu alisikia sasa juu nini alawauliza tena swali? C'est pour qu'il parle. Ni ili wapate kuzungumza. Qu'il se libère. Wapate kujiachilia huru. Il y a certaines choses dans la vie. Kuna vitu vingine mu maisha. Aussi longtemps que vous ne les libérez pas, chapo tu awiaweza kubiacha uru, ça va vous ronger. Bitaweza kusuru tena sahi. Jusqu'à la mort. Paka kulufu. Libérez-vous. Mujiacheni uru. Et ils ont commencé à expliquer à Jésus. Na warianza kumufasiria Yesu. De quoi parlez-vous? Yesu aliwaambia ni nini mnakuwa mkizungumziana? Il faut parler des faits ressentis, de l'incapacité. Il faut en parler. Quelle que soit la déception dans la vie, il faut parler. Ils ont parlé. Quelle que soit la déception, nous avons espéré. Mais ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Inakuwa siku tatu. Mais tout cela voici 3 jours. Yote hii inakuwa siku tatu. Que ces choses se sont passées. Bitu miruweza kupitikana. Jésus les a entendus, Jésus les poussait à s'exprimer. Yesu alianza kuwasukuma ili wapate kusema. Il est poussé à s'exprimer. Alianza kuwasukuma wapate kusema. Et c'est ce que l'esprit me disait, que beaucoup de gens sont tristes, marchent tristement dans leur vie. Nani hivi roho Mungu alianza kusema watu wengi wanakuwa katika huzuni na wako wanatembea katika huzuni. C'est vrai. Cette semaine, j'ai compris quelque chose. Ça fait quand même 15 ans que je suis pasteur. J'entendais quelqu'un qui vient, Mais cette semaine, quelqu'un m'a parlé. Même moi, j'ai dit que ça, jamais entendu. Si asiki yaka kamwe. Deux heures plus. Ata sambili. Je me demandais même Dieu ici, je vais dire quoi? Aniranza kumulisa Mungu hapa nitasema nini? Et qui me dit, elle me dit, pasteur, unyache tu ni seme ni pone. A dit que c'est pasteur, laisse-moi sema que je puisse m'exprimer afin que je sois guéri. Je lui ai dit sema. Tu parles. Aina banakuiba nkalanga, banakuiba miyoko, non. Même pendant ce temps-là, moi-même, j'étais en train d'interroger, dit Seigneur, ça. Il faut que toi-même tu interviennes. Toi, j'ai entendu quelqu'un qui te dit, Bwana nakoa na batoto yako, yena na batoto yake. Batoto wana komea banaisha masomo kisha nakuita na kuambia sema bon wewe ni ukoje kuchunga batoto soko nafanya nini munyumba na wewe ende. Je ferme d'abord les yeux, je dis je n'ai pas bien compris. Nafunika macho na kusema sikuelewe vizuri. Ase non, kazi yako inaisha. C'est ton travail est fini. Batoto wangu banaisha masomo. Tes enfants fini les études. Wende sasa. Tu peux aussi t'en aller. Mais pendant ce temps tu as soutenu l'homme. Kwa ili wakati uweza kumsaidia mwanaume. Et puis on te demande, niende ni sende. Utasema nini? Puis tu poses la question, est-ce que je peux partir ou pas? Bon, mathématiques ikaleke nguvu. J'ai toujours dit ça que mathématiques ikaleke nguvu. Il y a des choses plus difficiles que les mathématiques. Kuna bintu biko nguvu kushindia ta hesabu. Non, bien aimé. Wapendwa. Jésus a dit parle. Yesu anasema zungumzeni. Ils ont parlé. Waruweza kusema. Maintenant, mettez-moi le verset 25. On va terminer par avancer, terminer par là. Mustara makumi mbili na tano. Alors Jésus leur dit. Kisha Yesu akawaambia. Homme sans intelligence. Watu wasipo elimu. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les Écritures. Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut réellement te sortir de la tristesse. Il n'y a que la parole de Dieu. Ce ne sont pas les cadeaux. Aina tama cadeau. Aina kikwembe. C'est pas des pagnes. Qui t'atumzaro. Qui peut soigner le cœur. Ba mingi mabosa bikwembe. Plus seront payés pour elle le pain. Maro paka ya kwa la bika. Et leurs cœurs sont toujours détruits. Après. Et après. Na kikwembe. Même le pain. Le cœur est toujours triste. Na roho inakuwa katika huzuni. Ce n'est pas la voiture. Aina gari hapana. Ce n'est pas l'avion. Aina ndeke hapana. Ce n'est pas le travail. Aina kazi hapana. Ce n'est pas la poule. Aina kuku hapana. La poule. Jésus a dit le cœur. Yesu alisema roho n'a pas compris ce qu'ont dit les prophètes. haikuelewa kile wanabii waliweza kusema. Il a commencé par Moïse. Il y a ainsi kupitia Musa. Il a expliqué tout ce qui concernait Jésus. Aliweza kufasiria yote ilimwelekea Yesu. Oh frères et sœurs. Ndugu na dada. Si tu n'as pas encore découvert. Kama uyafundua kama. Ce que Jésus a fait. Ile Yesu aliweza kufanya. Tu marcheras tristement. Utabakia tu katika usuni. Si tu n'as pas encore découvert cela, kama uyagundua bado ile, à travers les écritures, kupitia maandiko, si la parole de Dieu n'est pas en toi, kama neno la Mungu ina ndani yako, ta vie sera triste. Maisha yako itakuwa katika huzuni. Il y en a qui iront au ciel triste. Hein? Kuna wale wataenda mbinguni katika huzuni. Na pa kufa hasa kama mlikuwa kutafuta. Hapo na kufa utakufa. Tu vas mourir comme ça. Heureusement que pas kukujika batanyorosha mukono. Si elle n'était pas gentille, il y a des gens qui iraient dans leur cercueil comme ça. Heureusement pas nyoroshaka mikono pas kukujika. Eri tu anaweza kunyorosha mikono wakati ya kuzika. Mnakuweka kwa poudre tu machafu kweko bien. Il y en a qui sont tristes, tristes, la vie triste. Kuna wale wako katika huzuni, maisha ya huzuni. Tu vis dans une atmosphère triste. Ukuna ishi mpupo moya ya huzuni. À cause des problèmes. Kwa chini tu ya matatizo. Moya une bonne nouvelle. Habari njema ni kwako. Il est là ce matin. Eko hapa asubuhi. Le roi de rois. Mfalme wa falme. Le Seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana. Il va changer le discours. Atabadilisha misemo. Il va changer ta vie. Atabadilisha maisha yako. Parce qu'il va faire. Kwa ile ataweza kufanya. Oh ma prière ce matin. Ombi letu asubuhi. Que Dieu change. Mungu abadili. Que Dieu change ton discours. Mungu abadirishe misemo yako. Que Dieu change ton discours. Mungu abadirishe misemo yako. Donc pour Jésus, kwa ajili ya Yesu, ce n'était pas en fonction de ce que les deux disciples avaient entendu. Haikukue kwa ile wa wafasi wawili waliweza kusikia. Ni de ce qu'ils avaient mangé. Hata kwa ile waliweza kula. Ni de la distance. Hata kwa urefu ambao walikuwa nao. Frères et sœurs, ndugu na dada. Ta joie, furaha yako, n'est pas liée. Ni pas de quoi pas tout au ivi. Zamani. Si comme la grande carte n'a encore commencé à fura. Ah! Zamani. Na kumikono onawe. Unacha mafuta kumilomo. Ju rafiki yangu ajose tukuna kwetu bukari na nkuku. Mungu aturumie sana. Que Dieu nous pardonne. Mon gars, tu roumis. Que Dieu. Fura, un coucou. La poule. Un coucou. La poule. Parce qu'à Fura, tu es un coucou. Tu es dans la joie parce que tu as mangé. Mais il y a un problème. Coucou, tatizo. Oh, pizza. Oh, shawarma. Shawarma, oh, pizza. Frère. Non. Non, que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, là, ma prière. Que Dieu change le discours. Que Dieu change tes paroles. Comment Dieu change les paroles? C'est ce qu'il a fait pour cette femme. Le roi a dit. C'est elle sa mère. Prends ton fils. Le temps est arrivé. Quand les disciples sont arrivés 11 kilomètres de tristesse. Donc 11 kilomètres à pied et de tristesse. 11 kilomètres. Donc on a tout capa. Tu quittes ici. On a tout capolo et pas qu'on a tout richaf. Tu arrives à Kapolo avec ta main au jour. Pourquoi? Tu as nini? Non, Billy Naza Koma Michi Abion. Parce que ce que j'ai demandé, je n'ai pas encore vu. Quand ils arrivent, Jésus leur dit, c'est moi. Ni mimi. Voici mes mains. Tazame ni mikono yangu. Voici mes côtés. Tazame mbavu yangu. Il fait la table. Quand ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent. Et ils réalisent que tiens, le Jésus pour qui on est triste. Yesu ambaye anisitunakuwa katika huzuni. Donc il est ressuscité il y a 3 jours. Aruweza kufufuka inakuwa kadiri ya siku 3. On parle. Turianza kusema na kusema tena. Je vais dire à quelqu'un. Tasema kuna mtu Mungu. La chose qui te rend triste. Kitu ambacho kinakuweka katika huzuni. Dieu l'a déjà résolu. Mungu ashakukijibia. Il y a 2000 ans. Kunakuwa kadiri ya 2000 ans. Alléluia. Amina. La chose que tu cherches. Kitu ambacho unatafuta. Dieu te l'a déjà donné. Mungu ashakukupa hicho. Il y a 2000 ans. Inakuwa kadiri ya 2000 ans. Rien ne peut empêcher. Hakuna kitu kitazuia. La Bible dit. Biblia inasema. Lui qui n'a pas refusé. Asikukata. A offrir son propre fils. Notre Seigneur Jésus-Christ en sacrifice. Il n'hésitera pas. Asita kwa na mashaka. La Bible dit il n'hésitera pas. Asita kwa na mashaka. À nous donner toutes choses. Kwa kutukaburia bitu biote. Par lui et avec lui. Kwake kupitia yeye. Non, il ne va pas, il ne va même pas se poser des questions. Asita juliza ta maswali. Ma prière ce matin. Ombiletu ya asubuhi. Dieu. Mungu ne va plus se poser des questions. Maswali, c'est que tu rends triste. Kile kina kweka c'est usuni, que triste ta vie. Kile kina kweka usuni aujourd'hui, Leo hii, Dieu va changer de discours. Mungu atabadilisha misemo. Alléluia. Amina. Oh, je prie pour certaines maisons. Tunaombea kwa nyumba moja. Quand tu entres dans la maison, wakati unaingia ndani ya nyumba, tu sens déjà l'atmosphère de la tristesse. Unasikia tu pepo moya usuni. Tu sens l'atmosphère de la tristesse. Unasikia pepo ya usuni. Mais quand dans une maison, wakati unaingia munyumba, il y a l'atmosphère de la tristesse. Unakuwa ile pepo ya usuni. Même les chaises sont tristes. Hata mkubwa anakuwa katika usuni. Même les chaises. Hata bichi sont tristes. Vinakuwa katika usuni. Unaikala pa kanape. Tu assis sur le canapé. Unaingia tu entres même à l'intérieur. Vous n'avez jamais vu ça. Il y a des maisons. Kukomani yumba yana mna hii. Tu entres, tu sens que. Unaingia unasikia kusema. Il y a un problème. Hapa kuko tatizo. Tu carré inji. On se met seulement dehors. Ça vous est jamais arrivé. Moi c'est maintenant tu carré inji. On se met dehors. Il y en a qui vous coûtent, bien sûr qui vous coûtent. C'est pas la chaleur, oui la chaleur. Bien sûr il m'a dit qui vous coûte, mais il y en a tout cas pas qui vous coûte. Mais c'est pas seulement la chaleur. Tu carré inji. On se met, c'est tu sens même que même tes prières auront des problèmes. Non, bien aimé. Aujourd'hui là. Léo. Aujourd'hui. Léo. Que Dieu change. Mungu que Dieu change. Mungu que Dieu change. Mungu que Dieu change. Mungu des discours. Yako, dans ta vie. Que Dieu change. Mungu des discours. Yako, dans ta maison. Yako, que Dieu change. Mungu des discours. Sur yako, tes enfants. Les enfants qui te rendaient triste. Aujourd'hui. Léo. Te rendront plus triste. Le travail. Qui te rendait triste. Aujourd'hui. Léo. Te rendra plus triste. Les études qui te rendaient triste aujourd'hui ne te rendent plus triste parce que le Seigneur il est là. La pierre a été enlevée, les gardes sont partis, le temps promis a été accompli. Ce qui te rendait triste aujourd'hui, on va plus te rendre triste. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé de changer le discours dans ta vie, même dans ta maison. Les choses qui te rendaient triste, qui affligeaient votre maison. Et ma prière, Seigneur, aujourd'hui, dans cette maison-là, enlève la tristesse, donne la joie. Fura, donne la joie fura, aujourd'hui Léo, dans la santé mouafia, enlève la tristesse usuni, donne la joie fura, aujourd'hui Léo, c'est le premier dimanche kwasa, du mois d'octobre Dieu a décidé mpango, de donner la joie de fura, changer de discours. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de mort dans ta vie yako, parce que Dieu va changer. Alléluia. Amina. Une chose qui amène la tristesse. Kitu kimoja kinaleta huzuni. C'est la mort. Ni lufu. Quand il a rencontré cette veuve de Naïm. Wakati alikutana na mchana wa Naïm. Il dit, prends ton enfant. Anasema chukua mtoto wako. Frère, aujourd'hui. Mpendwa leo. Ce mois ici. Imwezi. Tu vas recevoir. Utapokea. Dieu. Mungu veut changer le discours de ta vie. Atabadilisha misemo maisha yako. Veut changer le discours de ta Mungu vie. Atabadilisha misemo maisha yako. Veut changer le discours de ta Mungu vie. Mungu atabadilisha misemo maisha yako. Frères et sœurs. Nduku na dada. Abacheza ke paka kona shika ngoma. On ne joue pas seulement quand tu attends le cri de tam tam. Non non. Apana. Haina paka ngoma jo natejesha na. Haina paka tam tam jo itakuchezesha. Dieu va faire quelque chose. Mungu atafanya kitu kimoja. Il va faire quelque chose. Atafanya kitu kimoja. Il va faire quelque chose. Atafanya kitu kimoja. Atafanya kitu kimoja. Atafanya kitu kimoja. Atafanya kitu kimoja. Atafanya kitu kimoja. Atakupa furaha. Atafanya kitu kimoja. Atafanya kitu kimoja. Oh bien-aimé. Wapendwa. Israël dit ceci. Israël nasema hivi. Oh bien-aimé. Wapendwa. Il y a un psaume. Kuko saburi moya. Donnez-moi juste quelques minutes. Il y a un psaume, c'est le psaume combien? 126. Le psaume 126. Zaburi 126. Il y a un psaume, c'est un bon psaume. Il n'a qu'un Zaburi Zuri. 126 psaume 126. 126. Il y a un psaume. Kuko Zaburi. C'est ça, la technique psaume 126. Ok, là-bas, cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Wakati wa milela taleta wafungwa wa Sioni. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Tulikuwa kama watu walioanza kulota. Ce mois ici. Imwezi. Ce mois. Imwezi. Utawaza sasa una lota. Tu vois comme si tu étais en train de rêver. Utawaza sasa una lota. C'est comme si tu étais en rêve. Voilà comment on a lota. Même si tu rêvais. Tu vas rêver en même temps, tu joues toujours dans ton rêve. Maintenant, tu te réveilles. Ta femme va te demander où est-ce que tu es. On va te dire pourquoi tu danses. Et Misa Kulota. Que l'Éternel wa milele a ramené les captifs. Arileta wa fungwa. Alors. Japo. Alors. Chapeau. Notre bouche. Kinyo chetu. Ah, que Dieu change. Mungu que Dieu change le discours dans ta bouche. Mungu abadirishe misemo. Dieu va changer. Mungu atabadiri. Dieu va changer. Mungu atabadirisha. Quand Dieu change ton discours. Wakati Mungu anabadilisha misemo yako. Ce n'est pas seulement pour toi. Aina tu kwa ajili yako. Même les voisins. Hata majirani. Même les voisins. Hata majirani. Frères et sœurs. Nduku na dada. Kunyumba yako. Tanta mesa. Ba voisins bana kuyaka. Le voisin vient. Bana tu ya birio. Baki ya tujere dai. Mais c'est moi ici. Batakuya. Tu ya bile bitu. Tous les choses. Watafanya. Il faut faire. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Ndugu yako parakuyaka kwako ivya toi tu ya birio parce que c'est le mois de mai mwezi mais c'est moi ici ndugu yako batakuya ah tu bien aimé Dieu ya bile Mungu atafanya parce que chose que Dieu fait pas ku telefonaka ale bali utaki tape parce que tu ya birio tu sema ya sema de mai mwezi mais c'est moi ici pokea ya telefone ya furaha reçois pokea ya telefone ya furaha reçois pokea ya telefone ya furaha reçois la joie pokea ya telefone ya furaha reçois la joie Parmi les nations, katika chama taifa. Parmi les nations, katika chama taifa. Parmi la famille, katika chama. Parmi l'église, katika kanisa. Parmi la chorale, katika kwaya. Parmi le travail, katika kazi. On disait, wariaza kusema. L'Éternel, wa milele. A fait pour lui, alifanya kwake. De grandes choses, oui. L'Éternel wa milele a fait pour moi alifanya kwa ajili yangu grande chose kitu kikubwa et je suis dans la joie na kwa katika furaha oh cette année imwaka ce mois ici imwezi je veux faire Mungu atafanya des grandes choses kitu binene des grandes choses kitu binene des grandes choses kitu binene des grandes choses kitu binene frères et sœurs nduku na dada je m'a dit de dire à l'église Mungu alisema tuseme na kanisa aujourd'hui leo ce mois d'octobre imwezi akuni changer le discours dans ta bouche. Il va changer les discours dans ta bouche. Il va changer les discours dans ta famille. Il va changer les discours. Et quand ils ont compris cela, frères et sœurs, le même chemin de 11 kilomètres, ils ont fait longtemps. La Bible me dit, ils ont couru pour dire aux autres, frères et sœurs, quand le discours change, tu auras des choses à dire aux autres. Tu auras des choses à dire aux autres. Tu auras des choses à dire aux autres. Quand les choses changent, quand le discours change, quand le discours change, j'aimerais qu'on sente ce cantique que c'est ça. Mon témoignage est loué. Mon témoignage, vraiment, commencez. Tous les instruments, commencez. Ils vont suivre. Commencez. Oh bien aimé, si tu es dans la joie avec moi, mets-toi debout. Comme un cantique fura. On va chanter. Commencez. Tu t'as imba, commencez déjà. Allez-y. Commencez. Allez-y. Allez. Oh bien aimé, Dieu change. Il va changer les discours dans la vie de quelqu'un. Et je prie ce matin, dans ta vie, dans ta bouche, le Seigneur change des discours dans ta famille. Famille et nous. Ma réunion yote, que tous les réunions, c'est toujours pour l'aider. Ma rencontre yote, que tous les rencontres, c'est toujours pour l'aider. À partir à Léo, j'ordonne et je déclare que mon famille yako, que dans ta famille, abasasa, maintenant même, alléluia. Vous appartenez à Dieu à ma nomination. Alléluia. Vous appartenez à Dieu à ma diplôme. Alléluia. Vous appartenez à Dieu à ma mariage. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh merci Jésus. Asante la bomba. Egae mote manange zolue. Mote manange zolue. Nazoko kate koka. Oh tu auras le temps de louer le Seigneur. Nazoko kate koka. Oh nazali zambe. Fide la bomba inanga. Oh, il est fidèle. Fidèle à moi, il est fou. Alléluia. Ah, yeah, yeah, yeah. Oh, merci Jésus. Santa Yes. Oh, yeko kaki koyo ki sanga soni. Okamata. Okamata. Olomora. Linga ga ili boso na linga yo. Oh, merci Seigneur. Oh, lobi yo boso ki sanga. Oh la kiyoko salakambo ya ya e Yesu nanga ya ya ah Yesu nanga ya ya ga e Yesu nanga ya ya e motema nange zolue motema nange zolue na ye ye nazoko kate kokanga nazoko kate mosena oh ya ya oh oh, il est merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je les déclare devant ton peuple. Oh, yaya e Yesu nanga ha. Oh tonga boulevard na maya monana ha. Oh Israël na yebi mae. Oh zaliza ma mokolo mokote. Oh kotika la lelolo bilibela. Yango ngana vengate. Ngana lengate. Yesu azali mokonzi, eh, ah, ah. Avec moi, reste debout, lève ta main. Lève ta main. Je disais en introduction qu'un homme, il sait que sont ses paroles. Un homme, il sait que sont ses paroles. Et tes paroles sont comme une aiguille. Nous, je ne sais pas si c'est un avantage. Quoi. Comme on était seulement des garçons, on nous a appris à coudre depuis l'enfance à la maison. Pour mettre les boutons, pour faire les faufilages, tout ça, on a appris ça à la maison. Donc, Shindano, Igunengi, on a fait un tour de bouton. C'est comme ça ta parole. Tu passeras là où ta parole va passer maintenant. Tu arriveras là où ta parole va arriver maintenant. Et pour que ça change, bien aimé, c'est en fonction de ce que les Écritures ont déclaré sur ta vie. C'est en fonction des paroles des prophètes. Et Jésus, en commençant par Moïse, il a expliqué ce qui le concernait. Je voudrais pendant ce temps que tu changes toi-même les paroles que tu as déjà prononcées sur ta vie. Une parole peut être changée par une parole. Un discours peut être changé par un discours. Tu vas prier d'abord toi-même. Tu vas commencer. C'est un moment de déclaration. Et après, je prierai pour ceux sur qui on a prononcé de mauvaises paroles. Mais pour le moment, c'est un moment de déclaration. Déclare les bonnes paroles. Chante des discours sur ta vie. Au nom nom de Jésus. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Parle. Sema. Parle. Sema. Parle. Sema tena. Parle. Sema. Je parlerai à l'aurore. Sema. Je prendrai des bonnes paroles. Le Seigneur m'a choisi. Alléluia. Le Seigneur m'a visité. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce mois d'octobre. Alléluia. Je vais changer des discours. Alléluia. Sur ma vie. Alléluia. Sur ma foi. Alléluia. Tout le monde va changer. Alléluia. Alléluia. Le Fils de l'homme est présent. Le ressuscité de toi, Jésus. C'est lui qui nous fait le chemin. Oh yeah. Ils ont bien aidé ses enfants. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je crois à la parole de Dieu. C'est mon cobon. Dans 2 Samuel, je pense, chapitre 15. Samuel ou pire sera qu'à combien. David fuit Absalom. David en a un. Même ses amis commencent à se moquer de lui. Shimei jette la poussière. Les autres disent qu'on le tue, dit non. S'il me maudit, c'est que Dieu lui a dit de me maudire. La seule personne qui peut changer, c'est toujours Dieu. David a marché pieds nus, nus pieds. Le roi marche pieds nus. En train de pleurer. Et qu'on a lié. Tout le monde criait sur lui. Il a accepté. Mais après. Lakini kishayot. En allant, kwa kwenda, il a pleuré. Arilia, mais au retour, lakini mukurudia, il est rentré dans la joie. Arirudia katika fura. Le même Shimei, Shimei mocha mocha kun, est venu le premier à sa rencontre. Arikuja wa kwanza kukupatana naye. Tu es venu ce matin dans l'église. Urikuja kwanza kanisa leo. Triste en pleurant. Mwenye usuni na mwenye kulia. La Bible dit un psaume 127, je pense aussi. Ceux qui s'aiment avec larmes, quand ils vont porter la semence, ils reviennent avec joie. Quand ils rapportent la gerbe, je prie ce matin à ton retour de l'église que Dieu te donne la joie que personne n'est là. Fini la tristesse. Lève ta main droite. Dis Seigneur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je change des discours sur ma vie. Je change des discours sur ma vie. Désormais. C'est la joie dans ma bouche. C'est la joie dans ma bouche. C'est la joie dans mon cœur. C'est la joie dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toutes les malédictions. J'annule toutes les malédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toutes les mauvaises paroles. J'annule des mauvaises paroles. Je proclame la joie. Je proclame la joie. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans mes enfants. Dans mes enfants. Mes enfants me donneront la joie. Les enfants me donneront la joie. Ma vie me donnera la joie. Ma vie me donnera la joie. Mon travail me donnera la joie. Mon travail me donnera la joie. Ma maison me donnera la joie. Ma maison me donnera la joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer ces choses. En sa combat. Déclare ces choses. Accorde-nous la joie, Père. Je proclame la joie dans ma vie. Je proclame la joie dans mon entourage. Je proclame la joie dans l'église, dans mon ministère, dans ma maison, dans la vie de ma famille, la vie de ma mère, de ma soeur, de mon frère. Je proclame la joie comme Marie et Marthe. S'il y a quelqu'un ce matin qui trouve que sa vie est bloquée à cause de mauvais discours ou de mauvaises paroles prononcées sur lui, il peut s'approcher. On va prier pour lui, on va déclarer aussi des paroles. On n'a pas beaucoup de temps, c'est juste dans une minute. Si tu es là, tu trouves que ce qui m'arrive, il y a des mauvaises paroles de la tante du grand-père de ceci ou cela. Alléluia. Jacob a prononcé des paroles sur son fils Ruben. Il fallait que Moïse revienne songer. Ce matin, nous sommes là pour changer les mauvaises paroles. Ce que nous avons cru au Seigneur, les mauvaises paroles, les mauvaises paroles. Père, Baba, comme sacrificateur, kama mukoani, prophète et pasteur, moi quoi pasteur, tu m'envoies pour que mes paroles résonnent jusqu'au ciel. C'est pourquoi je me tiens maintenant devant ton trône, en face de tes enfants, pour proclamer l'annulation dans leur vie de toute mauvaise parole qui les a bloqués, quelle que soit son origine. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit maintenant soit libérée. Il y a des gens qui sont ici devant. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Tu seras saisi. Le Saint-Esprit, toutes ces paroles, tu es en train de les renverser. Protocole, mettez-vous derrière. Il y a une action particulière ce matin. Il y a des mauvaises paroles. Alléluia. Ike babas. Oui, Dio. Dieu va libérer ta vie. Libère la vie. Libère les vies de toutes les mauvaises paroles. Je prie maintenant. Seigneur, ni la sorcellerie, ni la magie, ni les paroles de malédiction, les familles, je libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit va te saisir. Je libère ta vie. De toutes ces mauvaises paroles. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Ta vie sera libérée. Au nom de Jésus. Je libère. Je libère ta vie. Je libère. J'annule. Toutes les mauvaises paroles. J'annule. Toutes les mauvaises paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule. Toutes les mauvaises paroles. Au nom de Jésus. Je libère. Libère. Libère. Les paroles de malédiction. Les mauvaises paroles. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je libère. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Au nom de Jésus, je libère sa vie. Je libère ta vie. Au nom de Jésus, que ta vie soit libérée. Libère. Tout ce que s'est introduit de mal dans sa vie. Alléluia. Bravo, Achaou. Seigneur, libère. Libère cette vie. Achaou. Je libère ta vie. Dieu, Achaou, la puissance du Saint-Esprit. Le feu de Dieu va consumer toutes les mauvaises choses que les mauvaises paroles ont introduites dans ta vie. Seigneur, maintenant là, que sa vie soit libérée. Libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je libère sa vie. Toutes les mauvaises paroles. Il n'y aura plus de blocage. Il n'y aura plus de blocage dans ta vie. Il n'y aura plus de blocage. Alléluia. Libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Alléluia. Oui, je libère. Alléluia. Finis le blocage. Alléluia. Rebouche. Alléluia. Fini. Fini. Ah. Fini. Ah. Fini le blocage dans ta vie. Fini. Oui, que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée maintenant. Ah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Rompe ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie t'appartient. Oui. Le jour. Oh, merci Seigneur. A santé de la vie. Libère sa vie. A tchaouro, ma chère. Que ta vie soit libérée. Alléluia. Le puissance de l'homme. Ma vie t'appartient, Seigneur. Oui, je suis à toi, Jésus. Et Yeshua, Saint-Esprit, Yeshua, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, oui, tu me dépenses, Saint-Esprit, tu me dépenses. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci, même Saint-Esprit. Le discours de ta maison doit changer. Même les discours des voisins vont changer. Même le discours du quartier va changer. Ce ne sont plus les mauvais discours qui vont amener les gens chez toi. Ce sont les bons discours. Ce sont les discours de joie qui vont réunir les gens chez toi. C'est pourquoi tu vas acclamer pour le Seigneur. L'Éternel a fait pour moi des grandes choses. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer notre Dieu? Pendant ce temps, nous passons aux offrandes. Pendant que la chorale nous donne un cantique. Puissant sauveur, puissant. Yeshua, Yeshua. Nous inclinons nos têtes et nous prions pour les offrandes au nom de Jésus. Nous consacrons ces offrandes en tes deux mains. Bénis tout un chacun de nous, ceux qui ont sémé et ceux qui ont manqué. Souviens-toi de chaque maison, de chaque ménage. C'est en ton nom, Jésus, nous t'avons prié en acclamant et nous disons amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. C'est le moment d'accueillir les visiteurs. Si c'est votre première fois de prier avec nous ensemble à la source féconde, vous pouvez juste balancer la main de là où vous êtes. Nous allons vous saluer dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez vous tenir debout. Les visiteurs, levez juste la main, là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que nos visiteurs peuvent se lever? Un instant. Merci. C'est très gentil, vous allez chanter deux minutes. Parmi les visiteurs, il y a Maman Ngoï Kaïté, qui est présidente du district de Maman de Kalemi. Elle est là, maman. District, c'est maman. Kalemi. Est-ce qu'on peut acclamer, l'accueillir correctement? Oh, est-ce qu'on peut l'accueillir correctement? C'est la présidente de Maman du district de Kalemi. Nous sommes dans la joie de vous voir, maman, au milieu de nous. Après, les mamans du district qui sont là vont parler avec vous aussi. Je vais vous voir aussi après. Tous nos visiteurs ne sont pas pressés de partir après le culte. Vous allez rester ici. Il y a les bien-aimés, les évangélistes que vous avez vus en chemise blanche. Vont parler avec vous pour partager des moments avec vous. Est-ce que nous pouvons encore les encourager et les accueillir? Lundi, nous avons nos secteurs. Comme on a dit, les secteurs sont des églises. C'est toujours mieux d'aller dans les secteurs pour que nous puissions vous connaître. Et quand il y a des problèmes, nous travaillons avec les secteurs. Donc, UCS là-bas SNCC ici se réunit à l'église. SNCC na ICS weko na kutanika hapa. Chituru à Chituru chez le frère Jules et maman Sylvie. Bakushituru bataungama kama maman. Carte mission chez le frère Eric et maman Fifi. Waouh. Carte mission bataungama kama maman Fifi. Et Zout chez le frère Olivier et maman Lorraine. Na carte Zout bataungama kwa papa. Carte Zout et ville. Ville na carte Zout. Voilà les secteurs qui sont en train de se réunir. Le temps qu'on résolve le problème de la niche Kitabataba et Kikula. Mardi, les intercesseurs continuent la prière à partir de 17h. Nous sommes en train de préparer notre programme de Moulima 30 qui commence le 23 novembre. Nous prions pour tous les orateurs qui seront là. Et je pense que un mois avant ou au plus tard, je vais donner la liste de tous les orateurs et l'affiche déjà. Je suis juste en train d'arranger les noms par rapport au programme qui va précéder qui sera. Mais sinon, j'ai déjà l'accord des principes. Mercredi, nous avons enseignement et prière, soyons là. Jeudi, les mamans se réunissent. Nous voulons que toutes les mamans se fortifient, soyez là pour vraiment soutenir le travail de Dieu. Vendredi, c'est notre jour de prière. Nous prions et nous jeûnons. Samedi à 7h30, nous avons intercession. Et dimanche à 8h, prière, 8h30, nous avons notre culte. Les secteurs SNCC, UCS va se réunir chez maman Mukonkole pour la consolation. Pour la consolation. Anniversaire. Nous avons l'anniversaire de maman Meta Mbouy qui fête son anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? On acclame le Seigneur. On l'encourage. Si tu es là aussi, c'est ton anniversaire. Tu peux passer devant, on va prier pour toi. Nous voulons partager la joie. Nous voulons changer de discours. Partager la joie. C'est ton anniversaire en semaine. Passe devant, on va prier pour toi. Ok, nous allons prier pour Maman Meta. C'est elle-même. Nous la recommandons au Seigneur. Prions. Seigneur, nous bénissons ta servante. Nous recommandons entre tes mains que cette année qui commence, cette nouvelle année, soit une année de faveur et de grâce. Fais qu'elle change de discours dans sa vie et par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle puisse vivre les grandes choses que tu vas réaliser. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous la recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu wa mibariki. Action de grâce. Tendo la shukurani. Le frère, la famille Bayot bénit le Seigneur pour la restauration et la santé de leur fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma fille là-bas? Oh, que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur. Elle est où ma fille? Elle est à la maison. Que Dieu soit béni pour notre fille. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Le frère Ben remercie le Seigneur pour son soutien pendant son voyage Ilebo Likasi. Le frère Ben, il est où le frère Ben? Que Dieu te bénisse. Le congé est terminé. Presque à la fin. Que Dieu te bénisse. Tu rentres quand? Tu vas rentrer quand? À la fin du mois. Il faut que je prie pour toi. Ça va. Il a fait un mois de voyage mon train à Bandou. Entre Ilebo Na Likasi. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, Mungu a musaidi. Alléluia. Amen. On bénit le Seigneur pour ça. Tunabariki Bwana kwa ajili ya hii. Mama Bea. Mama Bea. Chituka, maman, j'étais très content de vous voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Mama Bea? Tunaweza kushangilia mikono kwa ajili ya Mama Bea. Elle était très très malade. Alikuwa mgonjwa tena mgonjwa. Malade en voyage, elle tombe malade. Alikuwa mgonjwa mule usafiri. Elle revient malade. Na narudia tena paka mgonjwa. Je prie d'abord pour vous. Namiombea. Seigneur, merci pour la guérison. Que son corps soit restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ça va. On peut acclamer le Seigneur pour l'encourager. La famille Cédric Kioni remercie le Seigneur pour le soutien lors du deuil. Il est où? Ah, ok. Maman est là. Est-ce qu'on peut l'encourager? Cédric est déjà rentré. Je prie pour vous d'abord. Ils ont perdu un enfant il y a quelques temps. Je veux prier pour eux. Et je veux prier pour tous les parents qui ont des enfants. Ma Bible est loin. La Bible dit tu planteras la vigne et tu en mangeras le fruit. Tu bâtiras une maison et tu y entreras. Tu auras des enfants et tu ne les verras pas périr. Alors, je vais prier pour tous les parents qui ont des enfants. Il est interdit. Désormais. Au nom de Jésus. Que tu enterres tes enfants. Alléluia. Amen. Découvre la puissance de la parole de Dieu. Quelle que soit la maladie, confesse cela. Quelle que soit l'épidémie, confesse cela. Et refuse des maladies subites. Il n'y a rien de subite, frère. C'est le complot du monde des ténèbres. Bon, nous prions d'abord pour toute l'église et puis je prie pour les enfants. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, je refuse dans le nom puissant de Jésus, dans cette église, que les familles enterrent les enfants au nom de Jésus. Je refuse les morts subites. Je refuse au nom de Jésus. Conformément à ta parole, manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette famille. Tu es le Dieu de la restauration. Restaure. La mesure restaurée est supérieure en qualité, en quantité par rapport à la première mesure. Désormais, il n'y aura plus de décès dans leur famille et je proclame la vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Il est 12h. On peut, maman, on chante le même cantique là. Un mois, on chante avec les instruments. Vous avez bien chanté. Nous nous mettons debout, nous chantons pendant 2 minutes. Tuna simama, tuna imba kwa dakika mbili tu. Ça s'appelle comment? Puissance sauveur. Ok. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On bénit le Seigneur, on est dans la joie, on bénit le Seigneur. Et après les instruments, seulement on va chanter, on va acclamer avec nos mains. Est-ce qu'on peut y aller avec les mains? On peut y aller avec les mains déjà. Thank you. vis les joies. Jésus est vivant. Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Tamashia, Yeshua. La grâce du Seigneur change le discours dans votre vie et vous accompagne dans les maisons au nom de Jésus. Amen. Amen.